Aujourd'hui, troisième épisode dans les horribles merveilles. Nous avons laissé hier Guillaume dans la plus grande des mélancolies. Non seulement il y a les rivalités de la guerre de Cent Ans entre les Français et les Anglais, mais en plus, Guillaume se trouve au cœur des rivalités entre Valois et Navarre pour l'accession au trône de France. À la mort de son protecteur, hier, Jean de Luxembourg, on le voit écrire pour l'héritier de Navarre, puis se rallier à la famille des Valois. Il écrit alors pour le duc de Berry, ce duc si dépensier qui rêve déjà de se faire faire le plus beau livre des miniatures qui existe. Et à Reims, où il est chanoine, il accueille Charles, celui qui, avec l'aide de Bertrand du Guesclin, est en train de battre définitivement l'héritier de Navarre. Et dans la cathédrale de Reims, le jour où celui qui devient Charles V est sacré roi, Guillaume est là. Il a à peu près 60 ans. Il voit le roi s'avancer pour recevoir le Saint-Crème. Il prend part à la cérémonie. Pendant la cérémonie, Guillaume revoit sa vie. Il revoit son premier protecteur, Jean de Bohême, qu'il suivait à cheval guerroyer dans les coins les plus reculés d'Europe. Et puis tous les autres, dans les intrigues desquelles il s'est trouvé et entre lesquelles il a fallu tracer son chemin. Le roi qui se fait sacrer ici est face à un pays exsangue. Le pays est pillé, tout gâté, tout essilé. Et avec les Bretons, il y a les loups, qui nous mange et nous étrangle et nous tue, pense-t-il. Et puis nous sortons à peine des horribles merveilles sur tout autre des pareils dont homme peut avoir mémoire. Guillaume se souvient que ce fut chose assez commune qu'on vit le soleil et la lune, les étoiles, le soleil, la terre, en signifiance de guerre, de douleur et de pestilence. Chacun put voir à l'œil de lune éclipse et de soleil. Ainsi fut l'étoile comée, la comète, en semblance de feu couverte, qui de feu et d'oxygène faisait pronostication. La terre trembla de peur. Les batailles et les guerres furent si grandes par toute terre qu'on ne savait en tout le monde pays, règne ni région qu'il n'y eût dissension. Dont 500 000 hommes et femmes y perdirent le corps et les âmes. Et maint pays détruit en furent, dont encore les traces s'endurent, et des prises, et des outrages, et des occisions sauvages de barons, de chevaliers, de clercs, de bourgeois, d'écuyers, et de la pauvre gens menus, qui mortifut et confondue. La guerre, celle qui allait durer 100 ans, battait son plein. Sublimatus solis. Guillaume pense aux nombreuses jacqueries et aux tueries qu'ont entraîné les révoltes de garçons et de vilains. Et puis, il y a eu le grand fléau, la peste. Eurent les gens opinion que corrompus en devenaient, décolorés, détraités. Bosses avaient et grands clous dont on mourait. Il n'y eut ni physicien ni médecin qui bien sût la cause dire dont se venait, ni que c'était, et nul remède n'y mettait. Fortant que c'était maladie qu'on appelait épidémie. La mort tant en oxyde et dévora que tous les jours à grands monceaux trouvait-on dames, jouvenceaux, jeunes, vieux et de toute guise gisant morts parmi les églises. Et les jetait-on en grande fosse, car on trouvait les cimetières si pleins de corps et de bière que convint faire de nouvelles. Plusieurs fois, certainement, on dit communément qu'en 1349, de sang ne demeurait que neuf. Et les bêtes vont seules dans les champs, n'ont plus personne pour les réclamer, et les terres restent sans personne pour les cultiver. Et Guillaume pense à Bonne de Luxembourg, la fille de son premier protecteur, la première femme de celui qui est en train à présent de se faire sacrer, et qui, elle aussi, est morte de la peste. On pense qu'un tiers de la population d'Europe est morte cette année-là. Parmi les morts, un autre Guillaume, anglais, originaire d'Ockham, docteur subtil, qui s'était réfugié en Bavière après avoir encouru l'interdit du pape. Et Guillaume, plus que jamais, pense à notre Seigneur Jésus-Christ, non pas le glorieux, mais celui qui a souffert dans sa chair, dans son cœur, et redouté les approches de la mort. Il pense aussi que face à Fortune, cette déesse aveugle qui mène le monde, il faut trouver le remède, le confort. Mais comment être conforté? Eh bien, en retrouvant les valeurs premières, l'honneur des chevaliers, la fidélité, l'amour comme épreuve. Amour et confort, deux mots, deux réalités auxquelles Guillaume a consacré la quasi-totalité de son œuvre. Ce que Guillaume voit aussi pendant le sacre de ce roi, c'est qu'il n'y a plus de chevalier. Charles V, celui qui triomphe aujourd'hui alors que le prince noir aurait tenté d'être à sa place, n'est pas un chevalier. Charles, si Dieu fait adresse que lieu prenne, ou forteresse, où il y ait dame, damoiselle, bourgeoise, fille et pucelle, en nom de la Vierge Marie, à ton pouvoir, ne souffre ni que des tiens soient violés, corrompus, ni déflorés. Et si homme il y a qui les force, fais justice, et par Dieu, grand bien t'en viendra. Et aussi, donnez, Seigneur, donnez à toute main, ne retenez seulement que l'honneur. Si vous avez les cœurs, jamais n'aurez déshonneur. Face à ses malheurs, on fait aussi la fête. Et Guillaume, peut-être aussi après ce sacre, nous raconte les fêtes auxquelles il a participé. En une chapelle sainte d'or et des plus fines couleurs, la messe était appareillée. Et puis on a entendu un chambellan sonner une trompette. Messagers et garçons des tables dressent des tréteaux et des tables. On les voit courir, herbe apportée, tapis étalés, braire, crier, ramonner, et l'un à l'autre à raisonner, français, breton et allemand, lombard, anglais, doc et normand, et mains autres divers langages. Après, chacun vient dans la salle où chacun est servi de vin et de viande, comme corps et appétit demandent. Et après manger, on voit venir les ménestrels qui font divers accords, car on voit vielle, guitare, orgue, trompe, naquère, cymbales, clochettes, psaltérion, cornemuse, flûte de bohème, cornet d'Allemagne, fistule, pipe, harpe. Et certainement, il semble que jamais une telle mélodie ne fut vue ni ouïe. Et quand ils eurent fait une estampille, les dames et leurs compagnies s'en allèrent par deux, par trois, en se tenant les doigts. Il y a des musiciens en l'ancienne et en la nouvelle forge, en l'ancien et en nouveau style. Et Orphée, qui si bien chanta que tous ceux d'enfer enchanta par la douceur de son chanté, devant eux n'eût su rien chanter. Étrange siècle, songe Guillaume, où la gens menue souffre et où les fêtes les plus extravagantes se déploient en même temps avec la plus grande magnificence. On voit des chapeaux et des chaussures qui n'en finissent plus. On voit des serviteurs habillés comme des seigneurs et inversement. Et puis rien ne va, l'argent est en grande mutation, de mauvais aloi, complètement dévalué. L'autre Charles, celui de Navarre, lui avait bien envoyé un cheval. Mais, lui avait écrit Guillaume, il est vrai comme évangile que le comte de Tancarville m'envoya une hackenée sans selle, à bride renouée, d'un pied et d'un œil défoncé. Ainsi je suis à pied, sans lance, et j'irai volontiers en France, car moud désir que je vous vois. Mais les pilleurs, les vents et la pluie m'ont défendu la voie, et par spécial la goutte et mon cheval qui ne voit goutte. Alors quelle est la réalité? Si le monde dans lequel nous vivons n'est qu'un décor trompeur, coupé de Dieu, ne suis-je pas moi-même qu'un jeu de hasard et d'apparence que je donne à autrui? Quelle réalité ai-je? Si le mensonge n'est plus une scandaleuse trahison du réel, mais une erreur parmi d'autres, quelle stabilité trouver? Peut-être est-ce là le fond de toute l'interrogation de Guillaume. Dans la lyrique, il faut retrouver une vérité antérieure au mensonge. Nos ancêtres les trouvèrent chantaient l'amour, or toutes les valeurs qu'ils chantaient n'existent plus. Mais l'amour lui-même qu'il faut montrer, la relation entre la dame et le poète ou le prince tel qu'on la vit, il faut le montrer. Il faut dire le vrai, il faut raconter les laits où l'on dira l'ambiguïté, l'ambivalence, le vrai de l'amour. Il faut être rude et subtil à la fois en ce siècle. Lui, Guillaume, qui n'est qu'un clerc, qui n'est pas un chevalier courtois, est rude. Pourtant, il est subtil, car il voit la réalité. Il voit que toutes les choses se délitent, et il crée une œuvre qui contient tout. Il faut maintenir le grand champ d'amour, et en même temps, il faut faire preuve de rhétorique, d'intelligence, pour unir, pour unifier, pour rendre cohérents des éléments d'une réalité qui échappe. Il faut être de l'ancienne forge, mais on ne peut être que de la nouvelle, puisque les temps changent. C'est pourquoi le nombre, la symétrie, le palindrome, c'est-à-dire ce que l'on peut lire dans deux sens différents et qui donne le même résultat, sont si importants dans sa musique. Ainsi, dans ce motet, trois voix se superposent. L'une est une prière à Marie, heureuse mère du Christ. L'autre attire l'attention sur la perfection de la Vierge. Et la troisième salue la Vierge. Une seule et même structure rythmique unit toutes les voix et se répète régulièrement, indépendamment de la mélodie. C'est ce que l'on nomme l'isorythmie. Le rythme existe en soi et appartient à une autre catégorie que les hauteurs. Et on peut les assembler comme une marqueterie. Les voix échangent chacune des notes en alternant mesures binaires et mesures ternaires, comme la nouvelle forge. Tour de force d'écriture de la part de Guillaume, on entend le nombre. Question. Comment Guillaume va-t-il chanter ses propres amours ?